إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 18 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم écrit par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan يعني dans son ta'liq qui s'intitule At-ta'liq al-qawim ala kitab iqtida al-sirat al-mustaqim. Et donc au dernier cours, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il commençait à expliquer, comme on avait lu au passage numéro 71 à la page 138 du volume 1, il commençait à expliquer la sagesse dans laquelle ou pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans d'imiter les kuffars et les mushrikin, et en particulier Ahlul Kitab, Al-Maghdoub alayhim wa Dallin, les juifs et les chrétiens, dans leur apparence extérieure et dans leur croyance, ou dans tout ce qui a rapport avec la religion en général, ou les choses des habitudes et des pratiques de la vie, yani en général aussi. Donc, il a donné des exemples du fait que lorsque quelqu'un imite une autre personne, eh bien, elle prend en même temps un peu de son tempérament, de sa personnalité et de son comportement aussi. Donc, il donnait l'exemple, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah donne l'exemple du fait que si quelqu'un, par exemple, porte les vêtements des hommes de science et s'habille comme eux, eh bien, il sentira en lui-même une certaine appartenance avec eux. Et il va sentir en lui-même aussi qu'il va adopter certains de leurs comportements et certaines de leurs caractéristiques. La même manière aussi pour celui qui porte les vêtements des combattants ou qui porte les vêtements des guerriers. Hein. Donc il va avoir en même temps un certain attachement, une certaine appartenance, une complicité avec les gens justement qui sont dans l'armée ou bien qui font partie des combattants et des choses de ce genre. Donc le fait d'imiter des gens, ça crée cette intimité-là, ce lien-là, et cette complicité, cet attachement, hein, cet attachement, cette affection aussi, qui fait que justement c'est pour cette raison-là même que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans justement d'imiter les kuffars et les mushrikin pour ne pas qu'il y ait justement cet attachement-là ou la création de ce lien, hein, d'appartenance entre les mu'minines et les kuffars. Donc ensuite, donc dans le passage numéro 72, on va voir la suite de qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne à ce sujet-là et qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan mentionne comme détail, comme explication de ces propos-là. Donc il dit dans le passage numéro 72: ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانقطاع إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il explique ici, il dit que parmi les éléments également qui font partie du secret et du bienfait qu'il y a dans le fait de se distinguer des kuffars et des mushrikines et des gens du livre et de contredire leur apparence extérieure et de ne pas leur ressembler extérieurement, il y a le fait que justement lorsqu'on les contredit dans leur apparence extérieure, eh bien ça fait qu'il y a cette séparation et cette coupure qui fait en sorte que justement on se sépare complètement de tout ce qui peut amener la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on se sépare complètement et qu'on se coupe complètement des causes de l'égarement, et qu'on crée un lien d'affection et d'attachement avec les gens de la guidance et les gens de l'agrément. Et c'est ainsi que se réalise la coupure que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, que Allah a ordonné dans le fait de prendre pour allié l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ceux qui ont le succès, et de se détacher complètement et de se désavouer complètement de ses ennemis parmi les perdants. Donc c'est en ayant cette contre, en ne ressemblant pas et en contredisant et en se distinguant des kuffars et des mushrikines, qu'on crée justement cette séparation avec les gens de l'égarement et cet attachement aux gens de la foi et aux gens de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant يعني أن التشبه بالمنعم عليهم أهل الصراط المستقيم يورث محبة لهم ويورث انضماما إليهم واتباعا لصفاتهم والتشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى على العكس يحدث في نفس المتشبه ميولا إليهم وتأثرا بعاداتهم وأخلاقهم الفاسدة وتقليدهم أو تقاليدهم الكاسدة بحسب ما يعلق به من التشبه بهم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit ici que le fait de ressembler à ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis sa grâce, qui sont les gens du droit chemin, eh bien ça fait en sorte que en essayant de les imiter, en leur ressemblant, eh bien ça crée en nous-mêmes un amour pour eux. Ça fait que on aura pour eux de l'amour et de l'attachement. Et le fait de leur ressembler, eh bien, ça fait qu'on sent une certaine appartenance avec eux. Et qu'on va essayer de suivre leurs caractéristiques. La caractéristique de ceux qui ont sur eux l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que le fait de ressembler à ceux qui ont encouru la colère d'Allah, qui sont les Juifs, ou de ressembler aux égarés, c'est-à-dire ad-dallin, c'est-à-dire ceux qui se sont égarés, c'est les chrétiens, eh bien, ça crée le contraire. Ça crée l'effet contraire du fait d'imiter les gens qui ont reçu la grâce d'Allah et qui sont sur le droit chemin. C'est-à-dire que la personne qui imite les Juifs et les chrétiens, eh bien, ça crée en la personne qui les imite un penchant vers eux. Et du fait qu'elle va être affectée aussi par leurs traditions et leurs comportements corrompus et leurs mauvaises traditions, et tout ça selon le degré avec lequel ils s'attachent à eux et à quel niveau ils essaient de leur ressembler. Ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il continue et il dit كلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقه عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. Donc ici la parole de Cheikh al-Islam يعني, elle est très très forte يعني, dans le passage numéro 73 يعني, il dit plus le cœur du musulman a يعني, connu l'islam et plus elle a en elle, plus le cœur a en lui de la vie et plus il, le cœur a en lui de la connaissance de l'islam, et bien plus la personne va contredire la voix des juifs et des chrétiens intérieurement et extérieurement, et plus elle va essayer de s'éloigner de leurs comportements hein, qui sont présents chez certains d'entre les musulmans. Et il spécifie en disant ça, il spécifie, il dit je ne veux pas dire ici la connaissance de l'islam qui est seulement le fait d'avoir l'islam en nom ou en apparence ou d'avoir seulement certaines croyances traditionnelles hein, de façon générale. Non, il parle d'avoir la connaissance réelle de ce que signifie l'islam dans son essence, avec ses fondements et ses principes, et la connaissance du bien entendu du tawhid et de tout ce que l'islam implique dans sa réalité et dans ses fondements et dans ses enseignements. Donc il parle de cette caractéristique-là du fait de connaître l'islam et d'appliquer l'islam en réalité, et non pas juste l'appartenance à l'islam de façon traditionnelle. Puisque beaucoup de musulmans, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent musulmans ou sont musulmans, mais ne suivent l'islam que d'un attachement traditionnel. Puis c'est pour ça que tu les vois que malgré qu'ils pratiquent l'islam et qu'ils prient ou qu'ils jeûnent le ramadan ou qu'ils pratiquent certains éléments de l'islam, mais malgré ça ils continuent à vivre et à imiter les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que la réalité de ce qu'ils ont compris ou connu de l'islam, c'est toujours, ça reste toujours quelque chose de superficiel ou quelque chose de traditionnel. C'est pas une connaissance qui est profonde, qui est basée sur la connaissance et la compréhension réelle de qu'est-ce que l'islam est réellement. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit يعني كلما كان الدين متمكنا في قلب المؤمن وسواء كان ذلك في أعماله أو أقواله فإنه بذلك يبتعد عن هدي المخالفين لهذا الدين من اليهود والنصارى وغيرهم، وإنما ينشأ التشبه بالكفار من ضعف الإيمان وضعف الإدراك. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, c'est-à-dire que chaque fois, yani plus que le musulman a dans son cœur l'islam établi avec force hein, et avec yani, de façon solide et bien ancrée, et bien peu importe que ce soit yani, dans ses actions ou dans ses paroles, ça implique qu'il va s'éloigner de l'exemple de ceux qui contredisent cette religion, de ceux qui contredisent l'islam, parmi les juifs, parmi les chrétiens ou autres. Et il explique qu'en réalité la ressemblance avec les koufars ne peut venir que d'une faiblesse dans la religion ou d'une faiblesse dans la compréhension de l'islam. Donc si tu vois que quelqu'un parmi les musulmans essaie d'imiter les juifs et les chrétiens dans ses actions, dans les paroles ou dans l'apparence extérieure, c'est à cause d'une faiblesse qu'il a dans sa religion ou une faiblesse dans sa compréhension de l'islam et pas autre chose. Et ensuite il dit وأما قوله لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أي إنما يقصد بالإسلام الإسلام الصحيح القائم على الكتاب والسنة في القول والعمل والاعتقاد. Donc il dit ce que je veux dire, parce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit je veux pas dire ici seulement l'islam en apparence hein, ou l'islam en le fait de se dire musulman. C'est-à-dire, Cheikh al-Islam ici, qu'est-ce qu'il veut dire par l'islam? Il veut dire l'islam authentique, le vrai islam. L'islam qui est établi sur les preuves du Coran et de la Sunna dans les paroles, dans les actions et dans la croyance. فَإِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَدْعُو إِلَى التَّبَاعُدِ عَنْ أَخْلَاقِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Parce que c'est cet islam-là qui invite et qui appelle les gens à s'éloigner des comportements des kuffars, des hypocrites, des munafiqins et des gens de l'enfer. لِأَنَّ صَاحِبَهُ يَكُونُ عَلَى بَصِيرَةٍ وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَيَأْخُذُ الْحَقَّ وَيَتْرُكُ الْبَاطِلَ أما من يتسمى بالإسلام ولم يحقق هذه النسبة في عقيدته وأخلاقه وسلوكه فإنه يرى بأن التشبه بهؤلاء هو الكمال وأن طريقهم هي الأقوام. Donc Cheikh Al-Fawzan il continue et il dit, parce que yani, celui qui a compris l'islam et qui suit l'islam de façon authentique et correctement, yani qui a pris l'islam selon ses fondements dans le Coran et dans la Sunna, hein, selon la compréhension des salafs, et qui l'apprend et qui l'applique dans ses paroles, dans ses actions et dans sa croyance, eh bien celui-là, il va être sur la connaissance de sa religion. Il pratique sa religion avec connaissance. Et ça fait que ça lui permet de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, il ne va prendre que ce qui est vrai et il va abandonner tout ce qui est faux. Tandis que celui, Cheikh, il dit, « Amma man yatasamma bil-islam wa lam yuhakkik hadhihi nisbati fi aqidatihi wa akhlaqihi wa suluqihi » فيرى بأن التشبه بهؤلاء هو الكمال وأن طريقهم هي الأقوام. Donc celui qui n'a pas réalisé, celui qui fait juste yani, s'apparenter à l'islam par le nom et qui fait juste se dire musulman par nom, mais qui n'a pas réalisé cette appartenance là dans sa aqida, dans sa conviction, dans sa croyance, dans son comportement et dans sa conduite, alors lui il voit que le fait de ressembler à cela, c'est-à-dire de ressembler aux koufars, aux juifs et aux chrétiens et aux autres, parmi les koufars et les mouchriquins, il considère que c'est ça la perfection, que c'est ça la voie qui est la meilleure. Et que de suivre leur chemin ou leur voie, c'est ça la chose qui est la plus droite. لِأَنَّهُ يُفْتَنُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Pourquoi? Parce qu'il est... éprouvés et tentés parce que les koufars ont en leurs mains des parures et des beautés de la vie d'ici-bas. وَيَظُنُّ أَنَّهُمْ إِنَّمَا حَصَّلُوا بِفِكْرِهِمُ الْمُنْحَرِفُ وَعَقِيدَتِهِمُ الْبَاطِلَةِ وَيَظُنُّ أَنَّهُمْ إِنَّمَا حَصَّلُوهُ بِفِكْرِهِمُ الْمُنْحَرِفُ وَعَقِيدَتِهِمُ الْبَاطِلَةِ وَنَسِيَ أَنَّ هَذَا اسْتِدْرَاجٌ. Donc, le Cheikh Al-Fawzan il dit, il pense que ces koufars, ces mouchriquins, ont uniquement réussi à obtenir ce qu'ils ont obtenu des apparences de la vie d'ici-bas et des belles choses de la vie d'ici-bas à cause de leurs fausses croyances et à cause de leurs idées déviées. Donc il pense que c'est à cause de ces choses-là qu'ils ont réussi à obtenir ce qu'ils ont obtenu de la dunya. Et le Cheikh il dit, et ils ont oublié que cela c'est uniquement, hein, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, istidraj. C'est-à-dire que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ces choses-là pour en fait les aider à s'engouffrer et s'enfoncer encore plus dans leur égarement et dans leur mécréance comme châtiment pour eux et comme punition pour eux. Donc le Cheikh il dit, « Wa anna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu » وأنه لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء كما في الحديث. Donc le Cheikh il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il donne cette vie d'ici-bas à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. C'est-à-dire qu'il donne la dunya yani à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. C'est-à-dire qu'il donne à ses alliés cette dunya et il donne aussi à ses ennemis. Hein? Et le fait qu'il donne quelque chose de la dunya à quelqu'un, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime ou que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Hein? Des fois, c'est comme justement une ruse, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour les punir, hein, et pour les égarer, parce qu'ils ont essayé de ruser contre Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les punit en rusant contre eux de cette manière-là. Et il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit, et que si cette vie d'ici-bas valait pour Allah subhanahu wa ta'ala la valeur de l'aile d'une mouche, eh bien ils n'auraient même pas, les kuffars n'auraient même pas eu une gorgée d'eau. Yani les kuffars n'auraient même pas eu une gorgée d'eau si cette dunya valait pour Allah yani l'aile d'une mouche, comme c'est mentionné dans le hadith. Ensuite le cheikh il dit: منها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, dans le passage numéro 74, le fait de ressembler aux kuffars et de participer avec eux dans leur apparence extérieure, eh bien, ça implique obligatoirement qu'il y aura un mélange dans l'apparence. Et qu'à cause de ce mélange dans l'apparence, la distinction apparente qui doit exister entre ceux qui ont été bien guidés et qui ont l'agrément d'Allah et ceux qui ont la colère d'Allah sur eux et qui se sont égarés, eh bien, cette distinction-là disparaît. Cette distinction entre les gens de la guidance et les gens de l'égarement, elle disparaît parce que justement, il n'y a plus de distinction en apparence. Et donc, ça c'est une des conséquences mauvaises et néfastes de la ressemblance entre les... du fait que les musulmans, les musulmans, les mu'minines, imitent les kuffars dans leur apparence extérieure. Ça c'est une des conséquences négatives. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ça parmi les causes qui sont mentionnées dans la sagesse et dans les jugement qu'Allah a révélé. Donc, Cheikh Al-Fawzan explique ça en d'autres mots plus simples. Il dit: يعني أن من مفاسد التشبه أن المتشبه بهم تذوب شخصيته فيهم ويختلط بهم فيزول التمايز بين المسلم والكافر والله جل وعلا أمر المسلمين بأن يعتزوا بإسلامهم وبأمتهم وأن يكون لهم ظهور قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال أيضا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Donc, le Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit, c'est-à-dire que parmi les conséquences de cette ressemblance entre les musulmans et les gens du livre ou les kuffars et les mushrikin de façon générale, c'est que cette ressemblance fait en sorte que la personne à qui on essaye de ressembler, eh bien, on commence à perdre notre personnalité et notre identité. Et notre identité commence à se fondre et à se perdre dans, justement, la personne à qui on essaie de ressembler. C'est-à-dire qu'on perd notre identité et notre personnalité à nous, et on commence à devenir comme l'autre. Et à la fin, il y a un mélange entre le musulman et le kafir. Et donc, on ne peut plus distinguer entre les deux. On ne peut plus distinguer qui est le mu'min, qui est le muslim et qui est le kafir. Et ça, c'est des choses qu'on a constatées, surtout dans les pays, les pays de kufr. Lorsque les musulmans s'installent dans les sociétés des kuffars, un des résultats, c'est ça. C'est que par la suite, on n'arrive plus, quand on marche, quand on regarde dans la société, on n'arrive plus à distinguer qui est musulman et qui est kafir. Parce que le musulman perd totalement son identité. Et il imite totalement le mushrik et le kafir dans l'apparence extérieure. Et donc c'est ça une des conséquences négatives de ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux musulmans d'être fiers de leur islam et d'être fiers de leur ummah, hein, de la ummah, c'est-à-dire de la ummah de l'islam et d'appartenir à cette ummah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que c'est eux qui ont le dessus, que c'est le croyant, que c'est les croyants qui sont au-dessus. Et que c'est eux qui doivent toujours y en garder cette fierté-là d'être musulmans. Même si, dans les aspects de la dunya, les musulmans peut-être sont un petit peu en retard dans certains éléments par rapport aux kuffars, ou peut-être que certains musulmans sont pauvres par rapport à d'autres mushrikins ou des kuffars qui sont plus riches qu'eux, hein, ou bien peut-être que dans des éléments de la dunya, les kuffars ont peut-être des choses de plus que certains musulmans, mais ça ne doit pas être un critère, ou ça ne doit pas être une caractéristique qui fait que yani, le musulman doit se sentir inférieur devant le kafir. Au contraire, le mu'min doit toujours se sentir supérieur au kafir par rapport à sa foi, par rapport à sa religion, par rapport à l'appartenance qu'il a à sa religion de l'islam. Donc c'est important. C'est pas une fierté par rapport uniquement à des affaires de la dunya et des choses matérielles. C'est une fierté basée sur une appartenance à la foi et au tawhid et à l'unicité d'Allah et à tous les enseignements de bonté et de piété et de foi que l'islam nous ordonne d'accepter et de mettre en application. Le cheikh il mentionne des versets qui prouvent ça dans le Coran. Et il en a cité plusieurs, un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin » C'est-à-dire, si vous êtes croyants, c'est vous qui êtes au-dessus, c'est vous les plus hauts, les plus élevés. Hein? Donc l'élèvement et la fierté, ça vient du fait qu'on est un mu'min. Parce que Allah élève le mu'min. Et dans un autre verset que le cheikh a cité, il dit « Wa lillahi al-izza » وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ C'est à Allah qu'appartient la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Et il mentionne dans le verset 139 dans Sourate An-Nisa, cherche-t-il auprès d'eux la puissance, c'est-à-dire est-ce que ces munafiqin, hein, les hypocrites, recherchent auprès des kuffars la puissance, hein? Est-ce que c'est auprès d'eux? Il devrait savoir que la puissance tout entière appartient uniquement à Allah. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Donc celui qui recherche la puissance, ce n'est pas auprès des ennemis d'Allah qu'il doit la chercher, mais plutôt il doit la chercher en Allah subhanahu wa ta'ala et en l'attachement à sa religion. Et le verset 10 dans Surat Fatir, celui qui recherche ou qui désire la puissance, alors qu'il sache que la puissance tout entière appartient uniquement à Allah. C'est vers lui que s'élève, donc c'est lui qui élève la bonne parole et c'est la bonne action qui l'élève. C'est vers lui que monte la bonne action et la bonne parole l'élève. Donc c'est la bonne action élève la bonne parole. Comme on avait expliqué ça ou comme on avait lu ça dans l'explication du cheikh. Il dit ensuite, cheikh l'islam, il dit يعني إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم أما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له ولله والله أعلم يعني يقول شيخ الفوزان يعني أن لو أن التشبه بالكفار كان في الأمور المباحة فإنه كان ينبغي تركه ابتعادا عنهم. أما إذا كان التشبه بهم في الأمور الدينية أو بشيء من بدعهم وضلالاتهم فهذا محرم لا شك فيه وهو من أعظم أنواع التشبه المحرم. Donc, Cheikh al-Islam, il mentionne dans le passage numéro 75 que si la ressemblance est dans les aspects ou dans les éléments yani, qui sont apparents, mais dans des choses qui sont mubah, c'est-à-dire des choses qui sont permises dans la vie d'ici-bas, eh bien, le simple fait de leur ressembler devrait suffire pour faire en sorte que yani, on ne les imite pas et on ne les suive pas dans cet exemple-là, même si c'est quelque chose qui est permis. Mais si c'est quelque chose dans lequel on imite les koufars, qui fait partie des éléments de leur coffre, alors dans ce cas-là, ça fait partie d'une branche parmi les branches de la mécréance. Et le fait yani, d'être en accord avec eux dans cet élément qu'ils ont qui fait partie des éléments du kufr, eh bien, c'est d'être d'accord avec eux dans une catégorie, parmi les différentes catégories de leur égarement et de leur désobéissance. Et ça, c'est un fondement qui est nécessaire et qui est obligatoire, il y en a de comprendre et qu'on doit prendre le temps de méditer là-dessus pour bien le comprendre comme il faut. Naam, donc, le Cheikh Al-Fawzan, il résume ça en disant que si l'imitation des koufars dans les choses permises, ça nous oblige et ça c'est obligatoire pour nous de l'abandonner et de s'en écarter et de s'en éloigner, eh bien, dans ce cas-là, que dire de la ressemblance avec les koufars dans les choses qui ont rapport avec la religion ou dans quelque chose qui aura de leurs innovations et de leurs égarements. Donc ça, dans ce cas-là, c'est encore yani, plus haram. C'est encore plus haram, il n'y a pas de doute là-dedans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et même que c'est une des plus grandes formes yani, de ressemblance interdite. C'est une des plus grandes formes de ressemblance interdite qui peut exister dans ce cas-là. Donc, ça c'est yani, par rapport à qu'est-ce qu'on a dit maintenant. Qu'est-ce que Cheikh l'Islam a expliqué dans le livre jusqu'à maintenant. Et il a expliqué, donc premièrement, on a expliqué au début du livre certains éléments de qu'est-ce que signifie As-Sirat al-Mustaqim, qu'est-ce que le droit chemin signifie. Puis on a expliqué qui sont Al-Mun'am alayhim, ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué ensuite yani, qui sont Al-Mardoub alayhim et Ad-Dallin, qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui sont yani, les égarés. Puis on a donné des exemples de chaque catégorie. On a donné des exemples comme Cheikh Al-Fawzan il a donné dans les explications de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a expliqué, des exemples, des caractéristiques de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Puis ensuite, des caractéristiques de ceux qui ont été égarés, c'est-à-dire les chrétiens. Puis, ensuite, il a donné des exemples également des majus, et des romains, et des peuples qui n'ont pas reçu de livre. Il a expliqué l'égarement d'Ahlul Kitab, il a détaillé des exemples à ce sujet-là. Après, il a donné des exemples de l'imitation des peuples qui n'ont pas reçu de livre parmi les koufars et les mushrikines. Puis là maintenant on va passer à une autre partie du livre ou une autre section du livre où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah commence à mentionner des questions plus spécifiques maintenant, des questions plus spécifiques qui sont reliées yani, aux caractéristiques des koufars et des mushrikines et qui prouvent l'interdiction de leur ressembler. Donc c'est ça qu'on va commencer maintenant à lire ensemble à la page 145 فصل الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة. Donc on va lire ça. Cheikh al-Islam il dit donc dans ce sous-chapitre فصل لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. Donc Cheikh l'Islam il dit, étant donné que le fait de parler d'une question particulière ça peut rentrer dans des règles générales de la religion, on a commencé à donner certaines preuves qui montrent dans le Coran et dans la Sunna et dans l'Ijma l'ordre de contredire les preuves qui montrent que c'est obligatoire ou recommandé de contredire les koufars et que c'est interdit de leur ressembler de façon générale, peu importe que ce soit de façon générale dans toutes les catégories de ressemblance ou dans toutes les catégories d'ordre de les contredire, de contredire leur façon, leur façon d'être, soit dans les pratiques, ou soit dans les croyances, ou soit dans les habitudes, et ainsi de suite, ou que ce soit spécifique dans certaines des choses qu'ils font, qui font partie de leurs égarements, et peu importe que ce soit un ordre qui a été ordonné dans le sens de l'obligation ou dans le sens de qu'est-ce qui est recommandé. Puis ensuite, on a fait suivre cela par ceux qui prouvent l'interdiction de leur ressembler dans leur célébration et dans leur fête de façon plus spécifique et plus particulière. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là et il dit « Alimna mimma sabak anna Allah wa rasulahu harrama at-tashabbuh bil kuffar. » قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فهذه قاعدة عامة النهي عن التشبه بوجه عام. Donc le cheikh il dit, on a su dans qu'est-ce qui a précédé que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont tous deux interdit la ressemblance aux kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 105 dans sourate Al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue les preuves claires. Donc ça c'est une règle générale dans ce verset, puisque Allah il nous interdit d'être comme eux dans cette caractéristique là. Donc c'est une interdiction de ressembler aux kuffar d'une façon générale. Il dit ensuite le cheikh, ولكن الشيخ بعد أن ذكر عموم النهي أراد أن يفصل بعد الإجمال لأن الأمر جدير بالعناية والاهتمام لأن كثيرا من المسلمين مع تطاول الزمن ذابت شخصيتهم في الكفار لما قلدوهم وتشبهوا بهم وهذا وصف لما يأتي من كلامه رحمه الله من التفصيل في منع التشبه بالكفار وأن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. Donc le cheikh il dit, mais le cheikh, après avoir mentionné les preuves générales comme celles qu'on vient de mentionner qui montrent l'interdiction de ressembler aux kuffar et d'être comme eux, il va commencer à mentionner des preuves maintenant qui sont plus détaillées et plus spécifiques. Après avoir montré les preuves générales, il dit pourquoi? Parce que la question mérite qu'on s'y la question mérite qu'on s'y attarde et qu'on lui donne de l'importance, parce que beaucoup de musulmans, avec le temps qui a passé, beaucoup de musulmans ont perdu leur personnalité. Et leur personnalité a fondu en celle des koufars, à force de les suivre, de les imiter aveuglément et de les suivre aveuglément et d'essayer de leur ressembler. Donc les musulmans ont perdu leur personnalité et ils ont fondu, leur personnalité a fondu en celle des kuffars. Et donc le cheikh il dit que, qu'est-ce que cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne ici, c'est comme pour décrire qu'est-ce qui va suivre dans son livre et qu'est-ce qui va suivre dans les chapitres qu'on va lire après, pour détailler les preuves au sujet de l'interdiction de ressembler aux kuffars. Et que parmi les choses qui ont été mentionnées dans les preuves, il y en a de l'interdiction de ressembler aux kuffars, il y a ce qui est haram, c'est muharram, c'est-à-dire interdit, et il y a également ce qui est makruh, c'est-à-dire détestable. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit dans le passage numéro 77, il dit وَهُنَا نُكْتَةٌ نَبَّهْتُ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَهِيَ أَنَّ الْأَمْرُ بِمُوَافَقَةِ قَوْمٍ أَوْ مُخَالَفَتِهِمْ قَدْ يَكُونَ لِأَنَّ نَفْسَ قَصْدِ مُوَافَقَتِهِمْ أَوْ نَفْسَ مُوَافَقَتِهِمْ مَصْلَحَةٌ كَمَا نَفْسُ قَصْدِ مُخَالَفَتِهِمْ أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. يعني يقول شيخ الفوزان، يعني أن في مخالفة أهل الكفر مصلحة للمخالف، وموافقتهم فيها مضرة عليهم، والأمر بموافقة قوم يعني موافقة المؤمنين والصالحين قصده مصلحة ومخالفته مضرة، فالتشبه بأهل الصلاح وأهل التقى والخير مقصود وهو مصلحة، ومخالفته مضرة، والكفار على العكس قصد موافقتهم مضرة وقصد مخالفتهم مصلحة. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique ici qu'il y a un point qui est important à noter. C'est comme une règle dans le livre, il dit dans ce livre, c'est-à-dire dans le livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, dans le livre qu'on lit maintenant, il dit c'est comme une règle et un principe, yani, qui est important de noter. C'est que yani, l'ordre de suivre ou d'être en accord avec un peuple, ou yani, de contredire un peuple, c'est soit parce que yani, le fait de vouloir être en accord avec un peuple, ou même d'être en accord avec eux, c'est parce qu'il y a un bienfait dedans, et dans yani, même le fait de vouloir contredire un peuple, yani, parmi les koufars par exemple, comme le cheikh Al-Fawzan l'explique après, et bien dans le fait de vouloir les contredire ou de les contredire et de se distinguer d'eux, il y a un bienfait pour nous là-dedans. C'est-à-dire que dans le fait de le faire, d'être comme les croyants et de les imiter, il y a un bienfait. Et dans yani, le fait d'imiter les koufars, il y a un méfait dedans. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué de façon générale comme une règle, sans détailler. Qu'est-ce qu'il voulait dire de façon spécifique, mais Cheikh Al-Fawzan il clarifie ça et il dit qu'est-ce que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah veut dire ici, c'est que dans le fait de contredire les mécréants, il y a un bienfait pour la personne qui les contredit. Ça, il faut être convaincu de ça. Il faut être convaincu que lorsqu'on se distingue des koufars et des gens du kufr et qu'on contredit ce qu'ils font, il y a un bienfait là-dedans pour la personne qui les contredit. Et le fait d'être en accord avec eux et de les suivre, il y a un mal dedans. Ça, c'est comme une règle générale. Tu dois être yani tu dois l'accepter, tu dois être d'accord avec cette règle-là. C'est comme un principe et une règle que tu peux, que yani c'est une règle fondamentale pour dire que d'imiter les kuffars et de les yani de les suivre, il y a un mal là-dedans, et de contredire les kuffars, il y a un bien. C'est un bien en soi. Il dit, et l'ordre de contredire un peuple, c'est-à-dire, ou bien non, l'ordre d'être en accord avec un peuple, c'est-à-dire d'être d'accord avec les croyants et les gens qui suivent la vertu et la piété, ça, d'être en accord avec eux, c'est un bienfait. Et de vouloir même être en accord avec eux, c'est un bienfait. Et de les contredire, et d'être, de se distinguer d'eux ou de les contredire, c'est un mal. C'est-à-dire de contredire les croyants et de se distinguer des gens pieux, eh bien c'est un mal. Tout comme le fait de ressembler aux gens de la piété et les gens du bien, et de vouloir leur ressembler, c'est un bienfait, et de les contredire, c'est un mal. Et le kuffar, et les kuffars, c'est le contraire. De vouloir, et de ressembler aux kuffars, c'est un mal, et de vouloir leur ressembler, c'est un mal. Donc, yani, de vouloir ressembler aux kuffars, c'est un mal en soi. Et de vouloir contredire les kuffars, c'est un bien. Donc, c'est comme là, c'est ça, c'est comme une règle générale que Cheikh veut établir avant de commencer et avant de continuer dans qu'est-ce qui va suivre. Parce que c'est comme pour dire, cette règle-là, je vous mentionne maintenant en commençant ce principe de base. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce principe de base, vous n'allez pas être capable d'avancer et de continuer pour comprendre la suite. Hein? Tout ce qu'on a lu depuis le début du livre, ça doit nous amener à cette règle et à ce principe-là, et on doit en être convaincu, si on a bien compris. D'accord? Et donc, celui qui a compris cette règle-là, le reste, pour lui, ça va être facile à comprendre. Mais si quelqu'un a été affecté par des idéologies des hezbiyins, des gens de bid'a, hein, et qui a cru que dans le fait d'imiter les kuffars ou de vouloir les suivre, il y a un bienfait, et dans le fait de suivre l'exemple des mu'minins et des gens de la piété, qu'il y a un méfait, eh bien celui-là, ça, déjà, cette règle-là, il a pas compris. Et sa compréhension est corrompue. Hein. Il ne peut pas comprendre. Parce qu'il ne suit pas les preuves, qu'est-ce qui a été clarifié par les preuves. Ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي حَصَلَتْ بِهِ الْمُوَافَقَةِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ لَوْ تَجَرَّدَ عَنِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْمَفْسَدَةِ وَلِهَذَا نَحْنُ نَنْتَفِعُ بِنَفْسِ مُتَابَعَتِنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وللسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد. ويقول الشيخ الفوزان المقصود أنه لا ينهى عن الفعل لمجرد الفعل لا ينهى عن الفعل لمجرد الفعل وإنما ينهى عنه لما يترتب على الفعل أو يكون الأمر بما يترتب على الفعل من خير أو شر أو مفسدة أو مصلحة لا لمجرد الفعل فقط. فنحن إذا تشبهنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وصدر هذه الأمة فهذا أمر فيه صلاح وهو مقصود. فعلى سبيل المثال التشبه بأهل الخير والسلف الصالح فيه مصلحة، وهي أنه يجر إلى فعل الخير وإلى الصفات الحميدة. وعلى العكس فالتشبه بالمغضوب عليهم والضالين يجر إلى الشر وإلى التخلق بأخلاقهم وفعل أفعالهم ومبتدعاتهم. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il explique ici qu'est-ce qu'il dit, c'est que yani, le fait de suivre, d'être en accord avec des gens ou de les contredire, si c'était uniquement sur le fait de leur ressembler ou d'être en accord avec eux ou de les contredire, il n'y aurait pas en ça un bienfait ou un méfait en tant que tel. Mais on regarde dans le fait de suivre l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ceux qui nous ont précédés dans la foi parmi les muhajirines et les ansars et dans leurs actions, si ce n'était que eux ils l'avaient fait, hein, peut-être qu'il n'y aurait pas eu pour nous en ça un bienfait quelconque, excepté ce que ça peut nous amener et nous donner comme amour pour eux et de sentir qu'on a un lien avec eux et de l'amour avec eux, et que nos cœurs soient reliés ensemble à cause de ça. Et ça, ça nous amène, hein, à être d'accord avec eux dans d'autres affaires et dans d'autres choses également. Et ça, ça peut ramener également beaucoup d'autres bienfaits. Cheikh Al-Fawzan, il dit, qu'est-ce qu'il explique à propos de ça? Ça veut dire que une action n'est pas interdite à cause de l'action elle-même, mais elle est interdite également à cause des conséquences qui découlent de l'action en question. Ou bien, l'ordre. Ça se peut que, il dit, « Ou yakuna l'amr bima yatarattab ala l'fi'l min khayrin ou char » Donc, ou bien, le fait qu'on soit interdit de faire quelque chose ou ordonné de faire quelque chose, eh bien, c'est par rapport aux conséquences de cette action-là. Les conséquences que cette action aura du fait qu'elle est ordonnée, qu'est-ce qu'elle aura comme conséquence de bien, si c'est un ordre d'Allah et de son messager, ou l'interdiction de faire une action et les conséquences négatives du fait de faire cette action-là, si on l'a fait, et les méfaits que ça peut ramener et les méfaits qui en découlent, et non pas l'action elle-même seulement. Donc, il dit, nous par exemple, lorsqu'on essaie de ressembler au premier d'entre les croyants parmi les muhajirines et les ansars la première génération de cette umma, eh bien, dans le fait de leur ressembler, il y a un bienfait pour nous, hein, et c'est un bien en soi d'essayer de leur ressembler et de suivre leur exemple et d'être comme eux. Et c'est quelque chose qu'on doit, ça doit être quelque chose qui a un objectif pour nous, d'essayer de suivre leur exemple et de leur ressembler dans le bien qu'ils ont fait. Et il dit, pour vous donner un exemple, dans le fait de ressembler aux gens du bien et aux salaf al-salih, hein, et pour montrer le bienfait qu'il y a dans le fait d'essayer de leur ressembler et de les imiter, c'est que quand on va essayer de leur ressembler et de les imiter, eh bien, il va y avoir en ça quelque chose qui va nous amener à faire d'autres choses de bien par la suite aussi. Et c'est-à-dire que le bien qu'on fait en essayant de les imiter va nous amener à d'autres bonnes actions et à d'autres bonnes œuvres et à d'autres caractéristiques louables. Donc, c'est pas seulement pour le bien de les imiter seulement, mais du fait que, en les imitant, eh bien, on va être poussé à faire encore plus de bien et à avoir plus de bonnes caractéristiques aussi. Il dit, et le contraire aussi, c'est vrai. C'est que, en imitant les gens qui ont encouru la colère d'Allah, ou qui se sont égarés, eh bien, ça va nous amener à d'autres actions qui sont mauvaises. Et à d'autres comportements qui, du fait qu'on va adopter leur mauvais comportement et qu'on va les suivre dans les actions qu'ils ont ramenées comme innovation aussi. Donc c'est pour dire que c'est pas seulement le mal de les imiter qui est interdit, mais le mal des conséquences que vont amener cette imitation-là, puis dans le fait d'imiter les gens du bien et de suivre l'exemple des salafs, c'est pas seulement l'ordre de les imiter qui est ordonné en soi, mais c'est pas ça qui est un bien seulement, mais c'est le fait que on les imite, ça va nous amener à faire beaucoup d'autres biens, et ça va faire en sorte qu'il y a d'autres biens qui vont en découler. Et donc, il faut pas regarder juste l'action en soi quand on regarde l'ordre ou l'interdiction, mais il faut voir qu'est-ce qui en découle. C'est ça ce que le cheikh a expliqué. Après, il dit wa kadhalika قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم فيفعلونها لم نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة، واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة. نعم. donc ici Cheikh Al-Fawzan, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan pour que ce soit plus clair et plus facile à expliquer et à traduire aussi. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit يعني إذا كان هذا العمل أصله مباحا ولكن صار أكثر من يتعامل به ويصير عليه هم الأعداء والمخالفون، فالواجب أن نترك هذا العمل تغليبا لجانب المضرة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد يكون أصل العمل غير مناسب حتى لو لم يفعلوه، فكيف إذا فعلوه؟ فيكون فيه محذوران: المحذور الأول أنه غير مناسب ولا يصلح، والأمر الثاني أنه من صفاتهم وأفعالهم وفيه تشبه بهم، يعني أن مخالفتهم دليل على المصلحة، ولأن في مخالفتهم بعدا عنهم وعن صفاتهم، وفي موافقتهم دليل على المفسدة لأن فيه من سريان عاداتهم وأخلاقهم إلى المسلمين عن طريق المشابهة. وأما قوله من باب قياس الدلالة، فإن القياس ينقسم إلى قسمين: الأول قياس العلة، وهو المعروف عند الأصوليين، الحق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، وهو من أصول الأدلة عند الجمهور. والثاني قياس الأولى، وذلك كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فلما نهى الله عز وجل الأولاد عن قول أف لآبائهم دل من باب أولى على منع ضربهما. نعم. donc qu'est-ce qu'on va faire, on va se limiter juste à traduire l'expression ou l'explication de Cheikh Al-Fawzan puisque c'est plus clair, parce que la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah ici, Cheikh Ibn Taymiyyah, il résume beaucoup. Hein, il résume beaucoup, puis il emploie yani des formules qui font que la traduction, si on traduit mot à mot, ça donne pas, ça donnera pas le sens voulu et ce sera pas aussi clair. Donc, on passe directement donc à la lecture de la traduction de la parole ou de l'explication de Cheikh Al-Fawzan de la parole de Ibn Taymiyyah ici, pour que ce soit plus simple et plus clair à comprendre. Donc il dit, yani, si une action, le fait de la faire est à la base quelque chose qui est permis, mais que la plupart de ceux qui font cette action-là, hein, ce sont les ennemis, hein, et ceux qui sont en opposition avec l'islam, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour nous d'abandonner cette action pour faire, yani, pour donner précédence, yani, au côté nuisible qui est dans cette action-là. Du fait que le côté nuisible, c'est quoi? C'est du fait qu'on va ressembler, yani, au kuffar en faisant cette action-là. Il dit parce que le fait de repousser un mal ou un méfait a précédence sur le fait de ramener un bienfait. Ça, c'est une règle dans la charia, que de repousser un mal a précédence sur le fait de ramener un bienfait ou quelque chose de bénéfique. Donc si on a le choix entre ramener quelque chose de bien ou éviter un mal, qu'est-ce qui a précédence? eh bien, éviter le mal à précédence sur le fait de ramener un bien. Et ensuite, il dit, et c'est possible que cette action-là, à la base, ne soit pas quelque chose qui soit convenable de faire. Hein? Même si les koufars ne l'auraient pas fait, ce ne serait pas quelque chose de convenable à faire. Alors, que dire si les koufars le font? Dans ce cas-là, yani, c'est encore pire. Et il dit, dans le fait de faire cet acte, qui est à la base, yani, qui est à la base pas correct de faire ou qui est pas acceptable de faire, parce que c'est pas convenable, eh bien, dans le fait de le faire, il y a deux interdictions dedans. Premièrement, la première interdiction, c'est que l'action, elle n'est pas convenable, déjà à la base. Donc si tu le fais, tu fais quelque chose qui n'est pas correct, donc qui n'est pas convenable. Donc ça, c'est le premier, la première interdiction, ou première chose qui est mauvaise dans cela. Puis, la deuxième chose, c'est que, yani, lorsque tu vas le faire, eh bien, tu vas avoir leurs caractéristiques, et tu vas leur ressembler. Hein? Et donc ça veut dire que c'est quelque chose de mauvais. C'est comme, juste pour vous donner un exemple ici, j'avais une discussion avec un frère une fois au sujet d'une caractéristique qui existe ici, par exemple, au Québec. C'est que les koufars ici, par exemple, au Québec, quand ils sont en colère ou quand ils sont fâchés, quand ils veulent exprimer un mécontentement par rapport à quelque chose, hein, ils ont l'habitude de sacrer. Qu'est-ce qu'ils appellent sacrer? Ça veut dire des gros mots, hein, des jurons. Ça existe dans tous les peuples, hein, des gros mots, des mauvais mots. Sauf que ici, au Québec, il y a quelque chose qui est particulier, c'est que les gens, quand ils veulent dire des gros mots, eh bien, ils prononcent des mots de l'Église. Hein, ils disent des mots qui ont rapport avec la croyance et la religion catholique. Donc, ils vont, quand ils sont fâchés ou quand ils sont en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un, ils vont dire des mots d'église comme le calice. Hein, le calice, c'est qu'est-ce qui est le verre dans lequel ils mettent le vin. Puis, ils croient que ce vin-là, ça se transforme en le sang de Jésus. Puis il y a aussi l'hostie qui est le morceau de pain qu'il donne, que le prêtre donne aux gens lorsqu'ils font la communion, et ils croient que ce pain se transforme en la chair de Jésus. Donc ça, c'est ce mot-là, hostie. Il y a aussi le tabernacle, et le tabernacle, c'est l'autel sur lequel les sacrifices étaient faits. Hein, pour comme offrande à Dieu ou des choses comme ça, donc ça s'appelle, il prononce ce mot-là, et il y a aussi beaucoup d'autres mots comme ça qui sont des mots de l'Église comme le ciboire et beaucoup d'autres. Mais bien entendu, il le prononce pas de cette façon-là. Hein, il le prononce d'une manière vraiment, on dirait comme des paysans, comme des fermiers, hein, comme des bûcherons là. Et puis c'est en fait même si ce sont pas des mots qui sont en eux-mêmes vulgaires, mais le simple fait de voir les gens ou la catégorie de gens qui prononcent ces mots-là et dans quel contexte, de quelle manière ils le prononcent, ça devient quelque chose qui est vulgaire. Et les gens qui parlent de cette manière-là, c'est les gens, de façon générale. Moi, c'est ce que ma mère m'a toujours dit, ma grand-mère aussi, l'éducation qu'on avait eue, même avant l'islam, c'est que les gens qui parlent comme ça, c'est des gens mal élevés, des gens grossiers, des gens mal éduqués, hein, qui n'ont pas d'éducation. Donc, de prononcer ces choses-là, même si pour nous, en islam, ces mots-là n'ont aucune valeur, n'ont aucune signification, hein, ne représentent rien pour nous, parce que on ne croit pas à ces choses-là, on n'est pas chrétien, on n'est pas catholique, on ne croit pas en ces mots-là, pour nous ça n'a rien de sacré, hein? Mais du fait que quand tu vas les prononcer, tu vas ressembler à cette catégorie de la population qui justement n'a pas d'éducation ou qui est mal élevée, hein, qui est grossier, hein, des gens qui sont grossiers ou vulgaires, eh bien dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas dire du tout ces mots-là, pour éviter justement de leur ressembler. Et de ne pas parler de la façon de ces, de, yani, dont ces gens-là parlent. Et yani, donc, j'expliquais ça à un frère, parce que malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui viennent, qui sont venus habiter au Québec, yani, de différents pays musulmans, de différentes origines, puis pour se faire accepter d'une certaine catégorie de la société québécoise, eh bien, quand ils sont en leur présence, eh bien, ils vont se mettre à dire ces jurons, à dire ces gros mots, hein, à prononcer ces mots d'église devant eux. Et lorsque yani, ces Québécois là entendent les musulmans dire ces mots-là, ben ils ont comme l'impression que oh, ça y est, ce sont des gens, ils sont bien intégrés, ils sont comme nous, ils disent les mêmes mots que nous, et c'est comme si en même temps pour dire ça y est, on peut les accepter maintenant parce qu'ils disent les mêmes jurons que nous, puis ils connaissent notre culture, nos traditions, et ainsi de suite. Alors que les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui sont vraiment, il y en a les plus bas, hein, sur le plan social, les moins éduqués, les moins cultivés, les moins respectés, il y en a ceux qui n'ont pas d'éducation et de bonnes manières. Donc, et allez, ça c'est juste un exemple, hein, c'est juste un exemple. Moi, quand j'ai lu, quand on lit les paroles, qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer, ça me faisait penser un peu à cet exemple-là. Hein? Donc, je disais à ce frère, qui vient d'un pays musulman d'origine, hein, qui est né dans une famille musulmane, qui prononçait parfois ces propos-là pour rire, je lui ai dit, Yanni, je te dis, Yanni, tu ne devrais pas dire ces mots-là. Même si, dans l'islam, nous, on ne croit pas en ces choses-là, c'est mieux de pas les dire du tout. Parce que ceux qui parlent de cette façon-là, ce n'est pas les gens du bien, hein, même dans leur société. Hein, donc, yani, en plus, c'est des paroles de leur religion, de shirk et de kofre. Donc, pourquoi tu vas prononcer ces choses-là, yani, hein? Ou bien des fois, ils prononcent le mot Christ, et ça, c'est une insulte envers Al-Masih. Hein? Donc, ça peut même être considéré comme une parole de kofre, yani, dans l'islam. Parce qu'on n'a pas le droit de dénigrer les prophètes, ou de se moquer d'eux, ou de parler mal, yani, d'eux, hein, des choses de ce genre. Na'am. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني أن مخالفتهم دليل على المصلحة. Donc le fait de les contredire, c'est une preuve d'un bienfait. لأن في مخالفتهم بعدا عنهم وعن صفاتهم. Parce que le fait qu'on se distingue d'eux et qu'on les contredise, eh bien, c'est comme si on s'éloigne encore plus d'eux et de leurs caractéristiques. Hein? Ceux qui disaient, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, ceux qui disent ces mauvais mots, hein, ou les mots d'église que les koufabs disent ici, hein, eh bien, quand ils les disent, c'est pour essayer de se rapprocher des koufabs, pour essayer de créer un lien avec eux. Tandis qu'ici, on voit que le but dans l'islam, et qu'est-ce que Allah nous ordonne, et l'islam nous ordonne, c'est justement de les contredire pour qu'il y ait un éloignement de leurs caractéristiques. Hein? Et il dit وفي موافقتهم دليل على المفسدة لما فيه من سريان عاداتهم وأخلاقهم إلى المسلمين عن طريق المشابهة. Pourquoi? Parce que dans le fait de leur ressembler, il y a une preuve de corruption, hein? Puisque on voit que dans cette imitation-là et dans le fait d'être en accord avec eux dans ces exemples-là, eh bien, c'est comme si leur tradition et leur comportement yani, se transmettaient aux musulmans par la voie de la ressemblance et de l'imitation. Et il dit ensuite « وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنْ بَابِ قِيَاسِ الدِّلَالَ » Il dit ici, il dit « soit que c'est par la voie de l'analogie par rapport à la preuve » Qiyas ou Dilala, et il explique maintenant les deux formes de Qiyas, qu'il y a une forme de Qiyas, d'analogie, qui est l'analogie qui est connue chez les savants de Usul, c'est-à-dire quand on parle d'une question et qu'on fait une analogie dans l'islam, quand les ulama de Usul parlent de Qiyas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit s'il y a une question et que cette question-là, dans la religion, elle a été établie, son verdict a été établi par une preuve de la charia. Donc on a une preuve qui mentionne que telle chose ou telle question, c'est haram, ou c'est wajib, ou c'est muharram. Hein, on a un hukm shari'i à son sujet qui est basé sur une dalil clair et explicite. D'accord ? Maintenant, il y a un deuxième élément ou une deuxième question qui arrive, mais c'est une question qui n'a pas une preuve claire et explicite de la charia à son sujet pour déterminer son verdict. Donc on ne sait pas vraiment clairement si c'est halal ou si c'est haram ou si c'est wajib ou si c'est mustahab ou si c'est makrouh. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas une preuve claire et explicite. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va avoir recours à l'analogie, hein, qu'est-ce qu'on appelle le qiyas ou dilala, c'est-à-dire on va voir est-ce qu'il y a une raison commune qui pourrait relier ces deux éléments-là. L'élément dont le verdict est prouvé par une preuve de la charia qui est explicite et claire, et cet autre élément-là qui a peut-être une ressemblance avec la première, mais qui n'est pas tout le temps clair et explicite. Donc, les ulama, dans ce cas-là, ils vont dire, bon, puisque cet élément-là, le premier, son hukum, était que c'était interdit pour telle raison, eh bien, cette même raison-là, elle est présente également dans la deuxième. Donc, on pourrait relier cet élément-là au verdict de la première, au verdict du premier élément, et de dire également qu'elle est haram elle aussi à cause de cette elle-là, à cause de cette raison qu'elles ont en commun. Hein? Donc c'est ça ce qu'on appelle qiyas l'elle-là. Peut-être que c'est pas toujours clair. Bon, j'essaie d'expliquer le mieux que je peux ou de simplifier le plus possible la définition de qu'est-ce que c'est. Mais bon, si vous comprenez pas, c'est pas si grave. C'est juste savoir que le qiyas, c'est de comparer entre deux choses. Donc, soit tu peux comparer entre deux choses par rapport à une raison qui les relie, ou bien la deuxième catégorie ici, c'est qiyas ul-awla, c'est de dire, par exemple, bon, si telle chose est interdite et que ça c'est moins grave, donc de faire quelque chose de plus grave, c'est encore plus interdit. Hein, c'est ça qiyas ul-awla. Il donne l'exemple ici du verset dans le Coran, le verset 23 dans Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dites pas à vos deux parents, ouf. C'est-à-dire, tu ne fais pas à ton père ou à ta mère, ouf, en voulant dire, hein, laisse-moi tranquille, ou hein, tu fais un son qui exprime un genre d'impatience envers tes parents, ou de manque de respect envers eux. Donc, si tu n'as pas le droit de leur dire ouf, mais tu as encore moins le droit de les frapper. Hein, donc ça, c'est qiyas awla. C'est-à-dire, si tu n'as pas le droit de faire ça, eh bien celui-là, c'est encore pire. D'accord? Donc c'est ça. Ensuite, il dit, وَقَدْ يَجْتَمِعُ On va finir avec cette partie-là. وَقَدْ يَجْتَمِعُ الْأَمْرَانِ يعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم فيه أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فإن به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا ويقول شيخ الفوزان هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هي أن الفعل قد يكون في أصله مباحا ولكن غلب فعلهم له حتى صاروا يعرفون به فإننا نهينا عن التشبه بهم فيه لئلا تسري إلينا عباداتهم وأخلاقهم الفاسدة أو أن يكون هذا الفعل من أصله منهيا عنه وهو مفسدة في حد ذاته وهم يفعلونه فإذا تشبهنا بهم جمعنا بين المضرتين مضرة فعل ما لا يجوز ومضرة التشبه به بهم التشبه. Donc le cheikh il explique, il dit cette règle que le cheikh a mentionnée ici, c'est quoi? C'est que l'action à la base c'est possible qu'elle soit permise. Donc c'est ça les deux cas. Soit que l'action dans laquelle on les émite soit permise, ou soit qu'elle fasse partie de qu'est-ce qui est interdit. Donc si ça fait partie de qu'est-ce qui est permis, mais que la plupart de ceux qui le font, c'est uniquement eux, et ça c'est devenu une de leurs caractéristiques, alors dans ce cas-là, on est interdit de leur ressembler dans cette caractéristique-là, même si c'est permis, pour pas que leur tradition et leur comportement corrompu ait une influence sur nous et qu'elle commence à se propager parmi nous. Ou bien si l'action à la base elle est interdite en islam, et bien dans ce cas-là, si on les imite dans cette action-là, et bien c'est non seulement un seul péché qu'on fait, c'est-à-dire on ne fait pas seulement le péché de leur ressembler, mais on fait également le péché de faire qu'est-ce qui nous a été interdit par la religion. Et ça, c'est interdit. Donc, il y a deux méfaits là-dedans. Le premier méfait, c'est de faire ce qui ne nous a pas été permis de faire. Puis le deuxième méfait, c'est le méfait de leur ressembler. Naam. Donc, ça, c'est qu'est-ce que le cheikh Ibn Taymiyyah a expliqué d'après ce que, ici, qu'est-ce que cheikh Al-Fawzan a résumé de ce point-là. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis au prochain cours, Inch'Allah, on va continuer. Naam. Donc, ici, on peut voir que qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah expliquait, c'était des définitions, des choses un peu plus techniques. Hein? Donc, des fois, les termes techniques ou les explications techniques et les définitions sont un petit peu plus difficiles à comprendre de la manière dont elles sont formulées. Mais sinon, quand on regarde le reste des explications et des preuves que Cheikh l'Islam ramène, de façon générale, c'est toujours clair et facile à comprendre. Hein. Donc, alhamdoulilah, Inch'Allah, on va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.